Toujours à l'occasion du 64e anniversaire de la grande victoire dans la guerre de libération de la patrie, l'association d'amitié Thaïlande-Corée a publié une déclaration. La déclaration indique « Le président Kim Il-sung est le commandant prestigieux à la volonté d'acier et stratège militaire éminent qui a conduit à la victoire la guerre de libération de la patrie. La Corée est le pays de l'unité monolithique où tout le peuple est uni fermement autour de son dirigeant sous la bannière des idées du jeté créées par le président Kim Il-sung. Elle est aussi la puissance nucléaire qui possède les missiles balistiques intercontinentaux.